pas eu besoin d'enlever la mer de la Côte d'Azur. Je m'assierai plutôt au bord, l'admirant, c'est sûr. J'envie à l'aide d'avoir avec lui ce qu'il a de plus cher sans chercher à lui prendre, car je sais ce que ça vaut. L'absence est à l'amour, ce qu'est au feu le vent à teaser. Éteins le petit, allume le grand, tu me manques. J'ai cherché à comprendre, on m'a dit c'est ça la vie. Envie de toi, envie de moi, parfois je me sens trahi. Je suis cet arbre sans feuilles, ce stylo sans encre. C'est la sécheresse sur moi, mais mon saison de pluie. Je ne peux rien cultiver d'autre si ce n'est la tristesse. Christ, est-ce une manière de me dire que je n'ai pas droit à tout? C'est le cœur qui parle, la main qui tremble sur des feuilles mortes. Et une tête qui pense toujours si t'étais en vie. Si t'étais en vie. C'est loin de toi, je suis si seul. Tes bras en me disant je t'aime fils. J'ai plissé les yeux, collé ma tête sur ton torse. Qui sait ce que j'ai ressenti au moment où du brio balcon réveilla. En fait ce n'était qu'un rêve. À l'intérieur c'est grève d'une minute. Ville morte à minuit, heure noire pour nuit blanche ou joie et rouge. Dois-je en vouloir à la vie ou à Dieu, vu que c'est lui qui la propose et en dispose. La vie me fait rire, me fait pleurer, me fait même pleurer de rire. C'est juste un rêve dont la mort nous réveille. 9 mois après ma naissance, en t'apostrophe de là-haut. Tu me manques, maman. Je suis si seul. Tu me manques. C'est loin de toi. Je suis si seul. Tu me manques. Mon cœur était vierge. J'avais peur de saigner. Mais le malheur a forcé et a percé. Je suis en manque, maman. Je deviens fou, je n'ai pas d'asile, mais j'avance quand même. Mon asile le plus pur est ton sein. Chaque jour que je fais et un pas de plus vers toi, j'ai songé au chemin le plus court, mais est-ce vraiment un raccourci? La vie m'a mal, l'amour m'ira peut-être mieux. Je suis jeune, flamboie à leurs yeux, mais je commence à me faire vieux dans ma tête. Toute ma vie, c'est le doute, les dettes, ce que je goûte m'embête, me dégoûte, j'arrête tout, je me pose ou éjecte. Carpe diem. Je fais partie du cercle des poètes de la rue, mais j'ai peut-être plus mort que vivant, maman. J'ai le mal de vivre. Mal que je t'enivre avec mes mots, ma vie un livre avec un tas de poussière dessus. J'écris, mon bide est noué, j'ai peur l'avouer, c'est hors mes principes, mais là c'est plus fort que moi. Où est le diable? Plus je grandis, plus Dieu est petit, te rejoindrai au paradis dans un train d'enfer. Tu me manques. C'est loin de toi.